إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième assise de ce séminaire intitulé « Le Tawhid avant tout ». On a vu dans l'assise d'hier l'explication de la parole de l'unicité, l'explication de la ilaha illallah. On a étudié son sens, on a vu ses piliers, ses conditions, une partie de ses bénéfices et de ses mérites mentionnés dans les textes du Coran et de la Sunna. À partir d'aujourd'hui, on va commencer la lecture de différentes épîtres de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et ces épîtres portent toutes sur le tawhid, la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui désigne le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ces quatre épîtres que l'on va voir, elles font toutes partie des épîtres importantes et fondamentales dont le musulman ne peut se passer dans la pratique de sa religion. Comme on va le voir, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a abordé des sujets qui sont nécessaires de connaître pour l'ensemble des musulmans. Et comme je l'ai annoncé, l'étude de ces épîtres, elle se fera de manière concise et résumée. C'est-à-dire que l'on ne va pas rentrer dans les détails de chaque point que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Mais notre objectif à travers cette lecture, c'est pour ceux qui ont déjà étudié ces livres, de faire une révision générale. Et pour ceux qui ne les ont pas encore étudiés, d'avoir un aperçu global des sujets qui sont traités dans ces livres. Et ce afin de pouvoir revenir à ceux-ci en cas de besoin, si tu souhaites développer un de ces sujets. Tu sauras alors dans quel livre il est traité. Puis tu pourras revenir à d'autres études ou d'autres commentaires de ces ouvrages qui sont plus développés. J'ai d'ailleurs enseigné ces quatre ouvrages par le passé et les enregistrements sont présents sur le site An-Nasiha. Et d'autres parmi mes frères prédicateurs les ont également enseignés et sont présents sur leur site. On va donc commencer dans l'assise d'aujourd'hui l'étude du livre Les Trois Fondements. Mais avant cela, on va commencer par la lecture de la biographie concise de l'auteur. Donc en principe, je vous ai envoyé le lien pour télécharger le PDF avec l'ensemble des épîtres que l'on va étudier. Donc vous avez à la page 5 une biographie concise de l'auteur Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala que l'on va lire ensemble. Il est l'imam, le réformateur de l'appel à l'unicité, le shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il naquit en l'an 1115 de l'Égypte, correspondant à l'an 1703, dans la ville de Uyayna, au nord de Riyad, et grandit dans la maison de son père, qui faisait partie des gens de science. Donc, au nord de Riyad, la capitale actuelle du royaume d'Arabie Saoudite. Très vite, les signes de sa grande intelligence apparurent, et il termina la mémorisation du Coran avant l'âge de 10 ans. Mashallah. Avant l'âge de 10 ans, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il avait déjà terminé la mémorisation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il étudia auprès de son père la jurisprudence hanbalite, ainsi que les sciences de l'exégèse et du hadith. On voit à travers cela l'importance de prendre soin de donner une éducation religieuse aux enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. Il ne faut pas être négligent à ce sujet. Regardez le Cheikh, rahimahullah ta'ala. Son père s'est occupé de son éducation religieuse dès sa plus tendre enfance. Avant 10 ans, il a terminé de mémoriser le Coran. Il a étudié auprès de son père la jurisprudence. Il a appris également les sciences de l'exégèse, les sciences du tafsir, et également les sciences du hadith, alors qu'il était enfant. Aujourd'hui, malheureusement, nombre de parents sont négligents quant à ce point. Tu verras beaucoup d'entre eux te dire « Laisse-le, il est encore petit, il aura le temps. » Étant insouciant du fait que c'est à son plus jeune âge que l'enfant pourra au mieux apprendre la science, la mémoriser, la comprendre et en imprégner sa poitrine. Car plus il apprend petit, plus cette science sera gravée en lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Et si tu attends qu'il grandit, alors en grandissant, il aura d'autres occupations. Il aura d'autres soucis. Et il se peut qu'il n'ait plus d'attrait pour ceci. C'est donc pour cela que dès leur plus jeune âge, il faut prendre soin de leur enseigner la science religieuse, en commençant par la croyance, en commençant par cette parole « La ilaha illallah » que l'on a expliquée hier, leur expliquer son sens, car c'est la parole de l'islam. Comment l'enfant il peut atteindre 10, 15, 20 ans? Il ne sait même pas qu'est-ce que veut dire « La ilaha illallah ». Pourquoi? Ses parents ne lui ont même pas appris. Il n'y a pas de doute que ceci est une plus grande forme de trahison envers ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié entre nos mains. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de cela et faire des efforts pour donner une éducation religieuse aux enfants, et ce dès leur plus jeune âge, en commençant par la science du tawhid, puis également la science de la jurisprudence, notamment la prière, le jeûne, etc., dès qu'ils ont atteint l'âge pour cela. Ensuite, il est dit, dès son plus jeune âge, il se consacra aux livres traitant de l'exégèse, du hadith et de la croyance. Il accorda également une attention particulière à la lecture des livres de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et de son élève, Ibn al-Qayyim, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève Ibn al-Qayyim, rahimahum Allah ta'ala, ils font partie des grands savants de l'islam, attachés à la sunna et la voie des pieux prédécesseurs, rahimahum Allah ta'ala. Et leurs ouvrages, ils font partie des ouvrages les plus profitables. Et lorsqu'on lit les livres de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, on ressent l'influence de ces deux imams à travers ses écrits. Et notamment, dans son attachement aux preuves du Coran, aux preuves de la sunna et aux paroles des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Il entreprit ensuite de voyager à la recherche de la science. Il se dirigea alors vers la Mecque, où il accomplit le pèlerinage et étudia avec ses savants. Il se dirigea ensuite vers Médine et profita de ses savants. Il voyagea également vers Bassora, où il étudia la science avec un groupe de savants. Et telle est l'habitude des gens de science et des étudiants en science. Ils voyagent à la recherche de la science. Ils font des longs trajets, parfois ne serait-ce que pour chercher un hadith, ou pour étudier un livre, ou pour apprendre une science. Et ce, car la science, c'est une des choses les plus précieuses pour le serviteur. Car elle va lui permettre de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, et de l'adorer d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et c'est pour cela que depuis les premiers siècles, les étudiants en science, ils entreprennent de longs voyages dans le but de rechercher cette science. Et regardez notre situation aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité l'accès à la science. Nous avons ces bibliothèques qui sont remplies de livres. Nous avons ces sites internet qui sont remplis d'audio des savants. Et malgré cela, beaucoup d'entre nous ne sont pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ce bienfait. Nombreux sont ceux parmi nous qui négligent ce bienfait et n'en profitent pas. Qui ne profitent pas des moyens de communication modernes pour apprendre la science. Tu peux trouver une personne passer des heures à lire ou à regarder des choses futiles ou pire encore interdites sur les réseaux sociaux ou sur internet. Mais par contre, si tu lui proposes de s'asseoir une heure pour apprendre la science, pour apprendre les règles de sa religion, pour apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'Allah aime et agrée, pour apprendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te dira qu'il n'a pas le temps. Et telle est la situation de beaucoup d'entre nous, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos situations et de nous pardonner nos manquements. Ensuite il dit, lors de ses voyages à la recherche de la science, le shaykh, qu'Allah lui fasse miséricorde, observa dans les différentes contrées qu'il traversa de nombreuses croyances erronées et autres coutumes contraires à la religion. Comme par exemple, le culte voué aux tombes, la vénération des saints et autres formes de polythéisme qui étaient répandues à cette époque et qui sont encore présentes aujourd'hui dans beaucoup de pays, wallah al-musta'an. Il commença alors à se consacrer à l'appel à l'unicité et la mise en garde contre le polythéisme, suivant ainsi la voie de qui? La voie des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam, qui tous ont été envoyés, comme on a dit hier, pour appeler au tawhid, appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser, rejeter l'adoration de tout autre que lui. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il a emprunté ce chemin. Il a emprunté la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie de l'ensemble des prophètes et des messagers qui sont tous venus pour appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il écrivait à ce sujet de nombreux ouvrages, parmi eux, ces épîtres qui se trouvent entre vos mains. Et le shaykh rahimahullah ta'ala, il donnait une grande importance à cette science. Il écrivit de nombreux livres à ce sujet et il passait beaucoup de son temps à enseigner ces livres qu'il a écrits. Il enseignait le livre de l'unicité, les trois fondements et autres parmi ses épîtres, il les enseignait sans cesse à ses élèves. Et c'est sur cette voie-là qu'ont cheminé nos savants, Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah préserve les vivants parmi eux. Il ne cesse d'enseigner cette science. Tu ne trouveras pas un savant de la sunna sans qu'il n'ait enseigné certains de ses ouvrages de ses imams. Il se peut même parfois qu'il les a enseignés de nombreuses fois, à plusieurs reprises. Pourquoi? Car ces livres sont des livres fondamentaux. Des livres qui nous apprennent les bases de notre religion, ce sur quoi tout le reste va être bâti. C'est pour cela qu'il ne faut pas les négliger. Et il ne faut pas se laisser tromper par certains appels diffusés et propagés par certaines personnes déviantes et égarées, appelant à délaisser l'étude du tawhid, négligeant l'importance de cette science, en pensant avoir compris qu'est-ce que le tawhid et ne plus avoir besoin de l'étudier. Sache que si cette pensée te traverse l'esprit, c'est que tu n'as pas encore compris le tawhid. Si tu penses avoir compris et avoir assimilé ce qui te suffit dans cette science, c'est que tu n'as pas compris réellement qu'est-ce que le tawhid. Car c'est une science vaste qui doit sans cesse être revue et révisée afin d'en imprégner ton cœur. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il consacra donc sa vie à l'appel à Allah, l'étude de la science, la recherche et l'écriture. Et Allah plaça la bénédiction dans son prêche qui se propagea très vite dans la péninsule arabique, notamment après son alliance avec le prince Mohammed ibn Saoud, donc l'ancêtre de la famille Saoud qui gouverne le royaume d'Arabie Saoudite jusqu'à nos jours. Puis il continua de se propager et de porter ses fruits jusqu'à nos jours dans différentes contrées aux quatre coins du monde. En effet, le shir, rahimahullah ta'ala, son prêche, il s'est répandu à travers le monde entier. Et il a porté ses fruits dans de nombreux pays. Nombre de personnes sont revenues à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la lecture et l'étude des ouvrages et des épîtres de cet imam, rahimahullah ta'ala. Après une vie remplie de science, de lutte, d'appel à Allah, le shir décéda en l'an 1206 de l'Hégire, correspondant à l'an 1792 dans la ville de Dar'iya, à l'âge de 91 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'élève en degré au paradis. Amin. Donc ceci n'est qu'une biographie concise de cet imam et un aperçu de sa vie. Mais ceux qui veulent revenir à certains ouvrages ou certains audios dans lesquels sa vie nous est racontée et rapportée avec plus de détails, y verra des choses très surprenantes, notamment concernant la patience du cheikh et sa sagesse dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc passer à l'étude de la première épître, qui est les trois fondements. Et avant de commencer à lire, je vais vous donner un bref résumé des points essentiels qui sont traités dans cet ouvrage, une sorte de sommaire. Donc tout d'abord, cet épître, il se divise en trois parties principales: l'introduction, le corps du livre et la conclusion. L'introduction, elle est composée de trois petites introductions qui commencent toutes par « sache ». Donc comme vous le voyez à la page 7, vous avez « sache qu'Allah te fasse miséricorde ». C'est la première partie de l'introduction. Vous allez à la page 8, vous allez voir encore « sache qu'Allah te fasse miséricorde ». C'est la deuxième partie. Et vous allez ensuite à la page 10 et vous verrez « sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance ». Ceci est la troisième partie de l'introduction. Dans la première partie que l'on va voir aujourd'hui, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a exposé quatre questions importantes que chacun d'entre nous doit apprendre et qui sont tirées de Sourate al-Asr. Dans la deuxième partie, il aborde trois autres questions qui sont aussi très importantes, qui sont l'obligation de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obligation de l'alliance et du désaveu en fonction de cela. Ensuite, dans la troisième partie de l'introduction, qui commence aussi par sache, le shir rahimahullah ta'ala nous explique qu'est-ce que la Hanifiya, qui est la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Après cela, le shir fait une transition, puis passe au corps du livre, au sujet des trois fondements, qui sont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de la religion de l'islam, et la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont les trois fondements qui nous sont enseignés dans ce livre. Et ces trois fondements, le shaykh, rahimahullah ta'ala, il les a tirés du hadith d'Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce qui se passerait lorsque le serviteur sera placé dans sa tombe. Il a mentionné le fait que deux anges viendraient, vont l'asseoir et vont le questionner. Et ils vont lui poser trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant, il saura répondre à ces trois questions. Quant au mécréant, il ne pourra pas répondre. Mais il dira simplement « Ah, ah, je ne sais pas. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il ne faut pas penser qu'il suffit d'apprendre la réponse à ces questions ici-bas. De dire, qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion est l'islam. Nous sommes tous capables de faire cela ici-bas. Même un mécréant, il pourrait répondre à ces questions avec les bonnes réponses, si on lui donne. Toutefois, lorsque tu seras dans ta tombe, c'est réellement ce que tu as mis en pratique ici-bas qui va sortir comme réponse. C'est pour cela que ces trois fondements, il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut les mettre en pratique afin de pouvoir répondre à ces questions lorsqu'elles nous seront posées au moment où nous serons dans notre tombe. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la meilleure des fins et de nous permettre de pouvoir répondre à ces questions dans nos tombes. Donc ensuite, après ces trois fondements, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il fait une petite conclusion dans laquelle il aborde trois questions essentielles qui sont la croyance en la résurrection, l'appel des prophètes, alayhimu salatu wassalam, et le sens du tarot. Donc ceci vous donne un aperçu global des sujets traités dans ce livre. Et on va le voir avec quelques détails lors de notre lecture, incha'Allah ta'ala. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a commencé son ouvrage, Les Trois Fondements, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici, il a été omis, car il a été mis en tout début du livre, à la page 3. C'est-à-dire que on s'est suffi de cette basmala pour l'ensemble des épîtres du Cheikh. Mais le Cheikh rahimahullah ta'ala avait pour habitude de commencer l'ensemble de ses épîtres par Bismillahirrahmanirrahim, que l'on appelle la basmala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il commençait ses ouvrages ainsi, à l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et l'ensemble des sourates, à l'exception de sourate At-Tawba, commence par la basmala. Et il a fait cela également à l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il envoyait une lettre à certains empereurs, à certains gouverneurs pour les appeler à l'islam, il ordonnait à ses scribes de commencer cette lettre par quoi? Par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les savants ont donc dit que c'est une sunna. Lorsque tu écris une lettre ou un texte qui est important, pas un message sans importance ou des futilités, mais quelque chose qui est de l'importance, comme un écrit religieux, alors tu commences par la basmala. Et tu écris Bismillahirrahmanirrahim. Et ceci est même la sunna de l'ensemble des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Comme on le voit dans Surat An-Naml, au sujet du récit de Sulayman, alayhi salam, lorsqu'il a écrit à la reine de Saba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans le Coran, « Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulayman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. » Il m'a été envoyé un noble écrit. Il vient de Sulayman et il est écrit Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque tu commences ton écrit par cette parole, par la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est une manière d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'accorde son aide et sa bénédiction dans ton écrit. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième est sa mise en pratique. La troisième est d'y appeler. Et la quatrième est de patienter face aux préjudices dans cela. Donc le Shia rahimahullah ta'ala, il commence par nous dire sache, à la forme impérative, et ce pour attirer notre attention quant au fait que ce qu'il va nous dire est une chose importante. Puis il fait suivre cela d'une invocation en notre faveur. Qu'Allah te fasse miséricorde. Et cela nous montre la bienveillance de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Qu'il veut le bien pour toi à travers cet écrit. Il invoque en ta faveur afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Et fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te permette de savoir, qu'il te facilite l'apprentissage de cette science. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Pour nous, c'est-à-dire pour les gens responsables. L'ensemble des gens, à partir du moment où ils ont leur raison, il est obligatoire pour eux d'apprendre ces quatre choses. Et ces quatre choses que le Cheikh rahimahullah ta'ala va mentionner, elles sont d'une grande importance. Et ce ne sont pas les seules choses qu'il nous incombe d'apprendre, mais elles font partie des choses de la plus haute importance. Il nous dit la première est la science. Et il a défini la science comme étant la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Cela vous fait penser à quoi? Aux trois fondements. Ces choses par lesquelles l'auteur, rahimahullah ta'ala, a défini la science, ce sont les trois fondements qu'il va nous enseigner dans ce livre. Donc il nous dit ici qu'il y a quatre choses qu'il faut que l'on apprenne. La première, c'est la science. Et cette science, c'est quoi? C'est les trois fondements. La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, à travers cet ouvrage, il nous aide à remplir cette première obligation qui est l'apprentissage de la science. Cette science obligatoire. Et il nous a précisé ici une chose très importante. Il a dit, rahimahullah ta'ala, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ceci est une règle importante que les savants, rahimahumullah ta'ala, ont déduit des textes du Coran et de la Sunna, qui est le fait que la base dans la religion, la base dans les adorations, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que il ne t'est pas permis de faire un acte religieux ou de prononcer une parole religieuse par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si un texte te prouve la légitimité de cet acte ou de cette parole. Si un texte prouve la légitimité de cette adoration. Et le texte, qu'est-ce que c'est? C'est soit un verset du Coran, une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors l'unanimité des salafs, des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. S'ils sont tous unanimes pour dire qu'une chose est légiférée, alors ceci constitue une preuve, comme l'ont mentionné les gens de science. Et il ne t'est pas permis de te lancer dans un acte d'adoration sans en connaître la preuve. Donc à partir du moment où tu cherches à faire une chose par laquelle tu souhaites te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que ceci est légiféré? Tu ne dois pas simplement te baser sur le fait que pour toi cette chose est une chose bien, que cela te paraît être nécessaire et profitable, ou simplement te dire il n'y a pas de mal dans ce que je fais. Cela n'est pas suffisant. Il est indispensable que tu connaisses une preuve te démontrant la légitimité de cette adoration. Si tu ne connais pas de preuve, alors c'est interdit pour toi de faire cela. Et il n'y a pas de place à ce sujet pour les opinions personnelles des gens. D'ailleurs, on rapporte une phrase très célèbre de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, le quatrième des califes bien guidés. Il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, si la religion était basée sur les opinions, alors, le dessous des chaussons serait plus en droit d'être effleuré que le dessus. Vous connaissez l'effleurement des chaussons. Lorsque tu fais tes ablutions et après, tu mets des chaussettes qui remplissent les conditions nécessaires. Après, lorsque tu reçois de faire tes ablutions, tu ne vas pas laver tes pieds, tu vas simplement passer tes mains mouillées dessus. Et ce qui est légiféré, qui nous est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on passe les mains au-dessus. Et Ali, radiallahu ta'ala anhu, il nous dit, si la religion était basée sur les opinions, sur la logique, alors, le dessous, il aurait été plus en droit d'être essuyé. Pourquoi? Car c'est le dessous qui touche le sol. Mais ce qui nous a été légiféré, c'est quoi? C'est d'effleurer le dessus. Donc, les adorations, elles sont basées seulement sur les textes et non pas sur la raison ou sur les opinions. C'est à ce sujet également que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit sa parole bien célèbre. Que de toute personne, on prend ou on rejette, sauf de celui qui est dans cette tombe. Et il visait par cela le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tout savant, il se peut qu'il y ait une part de ces paroles que l'on accepte, et il se peut qu'il y ait une autre part de ces paroles que l'on rejette. Et les paroles qu'on accepte, c'est lesquelles? C'est celles qui vont être en concordance avec ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna et l'unanimité des salafs. Et les paroles que l'on va rejeter, c'est celles qui ne sont pas basées sur un texte, ni sur un verset du Coran, ni sur un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni sur l'unanimité des salafs, rahimahumullah ta'ala. Et ceci est rejeté, peu importe qui est la personne ou quel est le rang du savant qui a prononcé cette parole. À partir du moment où sa parole s'oppose à ses bases, alors sa parole ne peut être acceptée. Et ce, car comme on a dit dans l'adoration, on s'arrête aux preuves. Les preuves du Coran et de la Sunna et l'unanimité des salafs, rahimahumullah ta'ala. Et d'ailleurs, cela, c'est une des deux conditions de l'acceptation de tes œuvres. Sans laquelle ton œuvre ne peut pas être acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car pour être acceptée, les œuvres doivent remplir deux conditions. La première condition, c'est la sincérité. C'est-à-dire que ton œuvre soit vouée exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches par cette œuvre qu'à te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches ni les compliments des gens, ni à satisfaire une personne, ni autre. Mais tu recherches seulement la satisfaction de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition pour que ton œuvre soit acceptée, c'est qu'elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne remplis pas cette condition, Même si tu es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ton œuvre est rejetée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha, dans l'authentique de Muslim rahimahullah wa ta'ala, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée verra son œuvre rejetée. Aussi sincère soit la personne, si son œuvre n'est pas conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiférée, alors cette œuvre elle est rejetée. Donc ceci était une parenthèse importante concernant la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala qui a dit « Et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves ». Il est important lorsque tu apprends la science que tu prennes connaissance des preuves. Et les preuves, comme on a dit, c'est un texte du Coran, texte de la sunna, ou alors l'unanimité des salafs. Et c'est important de comprendre cela, que c'est ces trois sources, les preuves. Car parfois, il y a quelqu'un qui va te dire « Il est permis de faire telle adoration, il est légiféré de faire ceci ou cela ». Tu lui dis « Quelle est la preuve ?» Il te dit « Cheikh Intel a dit ». Voici une fatwa. Il n'y a pas de doute que les fatawa et les paroles des savants sont des choses profitables dont le musulman a besoin pour avancer dans ses recherches et dans son étude de la science. Mais il ne faut pas penser que la parole du savant c'est une preuve en soi. Parole du savant ce n'est pas une preuve. C'est quelque chose sur quoi on va s'appuyer pour atteindre la preuve. C'est-à-dire que si tu entends qu'un savant a prononcé telle parole, alors tu vas chercher à savoir sur quelle preuve il s'est basé pour prononcer cette parole. Mais tu ne dois pas te contenter d'accepter cette parole sans même savoir sur quoi il s'est basé. Et c'est à cela qu'ont appelé les quatre grands imams de l'islam, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala, ils ont insisté dans nombreuses de leurs paroles à puiser d'où ils ont puisé, et de ne pas se contenter de leurs paroles. Alors si tel est le cas pour ces quatre grands imams, que dire de moindre qu'eux parmi les gens de science contemporains? Il n'y a pas de doute que leurs paroles ne constituent pas des preuves en soi. Mais que les preuves sont les textes, les versets du Coran, les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'unanimité des salafs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, le shaykh, il nous dit, rahimahullah, la deuxième, c'est-à-dire la deuxième chose qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre, c'est la mise en pratique. C'est-à-dire qu'après avoir appris la science, il t'incombe de mettre en pratique cette science. Car la science, ce n'est pas une finalité en soi. Mais l'objectif, lorsque tu apprends la science, c'est quoi? C'est que tu la mettes en pratique, afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas seulement des données que tu emmagasines, que tu notes dans des cahiers, que tu enregistres, que tu mémorises, mais c'est un savoir que tu dois mettre en pratique afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous n'apprenions pas plus de 10 versets de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam » jusqu'à ce que nous apprenions leur sens et que nous les mettions en pratique. Allahu Akbar. Ils n'apprenaient pas plus de 10 versets jusqu'à ce qu'ils apprennent leur sens et leur mise en pratique. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, nous apprenions la science et sa mise en pratique. Et ceci est une chose qui est négligée par beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a des personnes parfois, Allahu al-musta'an, qui se vantent d'avoir mémorisé ceci et cela, d'avoir mémorisé le Coran, d'avoir mémorisé tel et tel livre, d'avoir mémorisé tant de hadiths. Mais lorsque tu lis le Coran et que tu lis les hadiths, et que tu regardes sa situation à cette personne, tu ne retrouves pas les enseignements du Coran à travers sa pratique. Tu ne retrouves pas les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa pratique. Pourquoi? Car il a mémorisé, mais il est loin de la mise en pratique. Telle est la situation de nombre de personnes aujourd'hui. Donc il faut prendre garde à cela, et se rappeler que la science, elle doit impérativement être suivie de quoi? De sa mise en pratique. Et si la science et les œuvres sont réunies, et que tes œuvres, elles remplissent les deux conditions que l'on a mentionnées précédemment, la sincérité pour Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors cette science, elle sera pour toi un argument auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, le Coran est une preuve pour ou contre toi. Pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi. Si tu le mets en pratique, tu mets en pratique ses enseignements, tu te soumets à ses ordres, tu délaisses ses interdits, alors ce Coran, il sera une preuve pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un argument en ta faveur. Mais si tu ne le mets pas en pratique, que tu apprends cette science, que tu mémorises le Coran, que tu mémorises les hadiths, que tu mémorises ses livres, ses définitions, etc., mais que tu ne mets pas en pratique cela, alors cette science, ce sera un argument contre toi au jour de la résurrection, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et celui qui agit ainsi, il est semblable aux juifs. qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir connu la science, connu la vérité, et l'avoir délaissée, ne pas l'avoir mise en pratique. Quant à celui qui œuvre sans science, qui ne fait pas les choses dans l'ordre, on a vu la première chose c'est la science, puis après la mise en pratique. Mais lui, il commence directement par la mise en pratique, sans science. Il œuvre sans savoir. Il accomplit des innovations, des choses qui ne sont pas légiférées, qui n'ont pas été ordonnées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci, il est semblable aux chrétiens, qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Toutefois, j'attire votre attention sur une chose importante. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils écoutent cela, qu'ils écoutent un rappel quant au fait que la science, si tu ne la mets pas en pratique, c'est un argument contre toi. Il se dit, je vais aller doucement, je ne vais pas écouter de cours, je ne vais pas trop lire de livres parce que j'ai peur que ceci soit des arguments contre moi. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ceci est une erreur. Ce n'est pas à cela que les gens de science nous incitent lorsqu'ils nous rappellent ce fondement immense qui est que la science doit être mise en pratique. Mais ce qui est attendu de nous, c'est quoi? C'est que l'on fasse des efforts pour que toute science que nous apprenons, nous la mettions en pratique par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On rapporte de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qu'il disait qu'il n'avait pas connu un hadith sans le mettre en pratique ne serait-ce qu'une fois. Ne serait-ce qu'une fois. Tu prends la connaissance d'une science, d'une œuvre qui est légiférée, une prière surérogatoire, un jeûne surérogatoire, tu apprends que cela est légiféré. Tu essayes de faire des efforts pour le mettre en pratique au moins une fois. Ce qui est obligatoire, tu le mets en pratique tout au long de ta vie. En ce qui concerne ce qui est surérogatoire, tu essayes de le mettre en pratique au moins une fois si tu en as les capacités et que cela ne t'écarte pas de choses qui sont plus importantes que cette œuvre. Et ainsi doit être le musulman. Il fait des efforts pour mettre en pratique la science qu'il apprend. Car comme on a dit, la science, ce n'est pas la finalité. Mais la finalité, c'est la mise en pratique de cette science. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, la troisième est d'y appeler. C'est-à-dire, d'appeler les gens à cette science et à sa mise en pratique. Et l'appel, le prêche, il vient seulement après ces deux points. Faut faire attention de pas inverser les choses et commencer par prêcher alors que la personne ne connaît pas, ne met rien en pratique, ou très peu. Elle commence à se lancer dans le prêche, à appeler les gens au bien. Il a lu les hadiths sur les mérites d'inviter les gens au bien, la récompense qu'il y a en cela, et ainsi de suite. Il se dit alors, je vais faire une page Facebook, je vais ouvrir un compte Twitter et je vais propager des hadiths, je vais propager la science. Non. Si tu fais cela, tu es dans l'erreur. Mais tu dois commencer les choses dans l'ordre. D'abord, tu apprends la science. Car si tu n'as pas la science, à quoi vas-tu appeler? Tu vas appeler à l'ignorance. Comme c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, qui parlent au sujet de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans aucune science. Ils prononcent des paroles dénuées de preuves, s'opposant au texte. Pourquoi? Car ils sont ignorants et ils ont sauté des étapes. Ils se sont lancés dans le prêche sans même avoir pris le temps d'apprendre la science. Donc la première chose à faire, c'est d'apprendre la science. Car, comme on a dit, tu ne vas pas appeler une chose que tu ne connais pas. Ensuite, cette science, tu la mets en pratique. Car la priorité pour toi, c'est quoi? C'est de sauver ta propre âme du feu de l'enfer. Avant de chercher à sauver les gens, tu dois d'abord chercher à te sauver toi. Et tu dois pas être comme une bougie qui va éclairer les gens et puis se consumer elle-même. Mais la première chose que tu fais, tu apprends et tu mets en pratique. Tu cherches à sauver ta propre âme de l'enfer. Et ensuite, si tu en as les capacités, tu appelles tes proches, les gens que tu connais, tes amis, et ainsi de suite à cette science que tu apprends, dans un cercle restreint, chacun selon ses capacités. Puis après cela, si tu continues dans l'apprentissage de la science et que tu évolues, alors tu continues dans ce prêche. Et chaque chose que tu apprends, que tu maîtrises, que tu as connue avec ses preuves, alors il t'est permis de l'enseigner et de la propager. Mais quant au fait de faire comme beaucoup de personnes aujourd'hui, qui ouvrent des blogs, qui ouvrent des comptes Facebook ou autres, et qui commencent à faire du copier-coller, à prendre à droite et à gauche, tout et n'importe quoi, et à tout mélanger, et à tout propager, ceci n'est pas légiféré et s'oppose à la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Si tu n'as pas franchi l'étape de l'apprentissage de la science, de la mise en pratique, tu es dans l'erreur, ne commence pas les choses en sens inverse. Mais commence d'abord par l'apprentissage de la science, qui te permettra de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se sont lancés dans le prêche via les réseaux sociaux et autres, ils n'ont pas les aptitudes, ne serait-ce que pour distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Certains se contentent de voir le nom d'un cheikh qu'ils estiment de confiance et ils se disent c'est bon, je peux propager. Est-ce que cette parole est confirmée du cheikh? Est-ce qu'elle est réellement dans tel ou tel ouvrage qui est mentionné? Ensuite, si c'est une parole traduite, qui est le traducteur? C'est important cela, car le traducteur, c'est un transmetteur. C'est lui qui te transmet cette science. C'est un intermédiaire entre la parole qui est en arabe à la base et toi. Donc qui est-il? Si tu ne connais pas son identité, si tu as une traduction dont tu ne connais pas l'identité du traducteur, que tu ne peux pas revenir à lui pour savoir qui il est, quelles sont ses aptitudes. Tu ne peux pas accepter cette traduction. Tu ne peux pas te baser dessus. Comment vas-tu te baser sur une chose pour te rapprocher de ton Seigneur, qui t'a été transmise une personne dont tu ignores l'identité? Et puis peut-être si tu connais l'identité, un tel ou un tel, tu ne connais pas les aptitudes. Il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur dans laquelle sont tombés nombre de musulmans aujourd'hui. Imam Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, disait: cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Ceci est un point également très important. Reste une question au sujet de l'appel à Allah. Est-ce qu'il m'est permis d'inviter les gens et d'encourager les gens à des œuvres que je ne mets pas moi-même en pratique? Par exemple, on sait qu'il est légiféré et recommandé de jeûner durant ce mois qui est le mois de Sha'ban. Ou alors qu'il est légiféré de jeûner les lundis et les jeudis. Et toi, tu vas propager un hadith, inciter tes proches, leur rappeler les mérites de ce jeûne, alors que toi-même, tu ne le mets pas en pratique. Est-ce que cela est permis? La réponse est oui, cela est permis, car ceci ne fait pas partie des œuvres qui sont obligatoires. Il se peut que tu aies une excuse qui t'empêche de faire ce jeûne, que tu accomplis des œuvres qui sont plus importantes que ce jeûne, et que si tu jeûnes, cela va t'affaiblir et t'empêcher d'accomplir cette œuvre. Donc il n'y a pas de mal à ce que tu incites les gens à faire cette œuvre de bien, même si toi, tu ne la mets pas en pratique. Il n'y a pas de gêne en cela. La deuxième question c'est, est-ce qu'il m'est permis d'interdire des choses parmi les péchés, alors que moi-même je l'ai fait? Il y a certaines personnes qui ont une certaine faiblesse. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous raffermir, de nous aider à délaisser l'ensemble des péchés. Mais il se peut qu'une personne ait une certaine faiblesse, tombe dans certains péchés, et si elle voit une personne faire ce même péché, est-ce qu'elle doit lui interdire ou non? La réponse est oui, elle doit lui interdire. Pourquoi? Car si tu ne lui interdis pas, tu auras réuni entre deux péchés. Entre le péché que tu fais et le péché du fait de te taire face à une personne qui a accompli le mal. Tu auras délaissé l'interdiction du mal, qui fait partie des fondements immenses de notre religion. Donc oui, même si tu commets un péché, cela ne t'empêche pas d'inciter les gens à délaisser ce péché. Mais tu dois te rappeler, sans cesse avoir en tête que la priorité pour toi, c'est de réformer ta propre personne. Toutefois, cela ne t'empêche pas d'empêcher une personne de faire le mal et de l'inciter au bien, bien que tu connaisses tes faiblesses. Et ceci fait partie de l'entraide dans le bien et la piété. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, la quatrième est de patienter face aux préjudices dans cela. C'est-à-dire de patienter dans les préjudices qui peuvent être causés dans ton chemin, dans l'apprentissage de la science, dans ton chemin, dans la mise en pratique de cette science, et dans ton chemin, dans l'appel à cette science et à sa mise en pratique. Lorsque tu vas commencer à apprendre la science, cela va te demander de la patience. Ce n'est pas forcément facile, surtout les premiers temps, de rester plusieurs heures à écouter des cours, à lire des livres, à prendre des notes, etc. L'apprentissage de l'arabe, cela va te demander de la patience. C'est une nouvelle langue, des nouvelles lettres, et ainsi de suite. Tu vas devoir patienter dans cela. Également la mémorisation. Mémoriser le Coran, le réviser, mémoriser les hadiths et ainsi de suite, tout cela va te demander de la patience. Et tu dois patienter dans cela, patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette patience elle-même, c'est une adoration. Tu es récompensé pour cette patience. Ensuite, après l'apprentissage, tu vas mettre en pratique. Et la mise en pratique également, elle va te demander de la patience. Pourquoi? Car cette religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a commencé comme quelque chose d'étrange. Et elle redeviendra comme quelque chose d'étrange. Et telle est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à s'accrocher à l'islam authentique. Ils sont étranges aux yeux des gens, étrangers dans la société, étrangers même au sein du commun des musulmans. Donc la mise en pratique de cette religion, de manière authentique et conforme, cela va te demander de la patience, car tu vas aller à contresens de la société. Eux, ils veulent aller vers le mal, et toi, tu tentes autant que possible de te diriger vers le bien, et vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc t'armer de patience et persévérer sur cette religion et ne pas te décourager face aux critiques ou aux moqueries des gens. Laisse-les se moquer, laisse-les te critiquer, ils auront à rendre des comptes de leurs œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu restes ferme, tu as un objectif. Tu as appris dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, la voie qui te mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et un paradis éternel. Donc ces souffrances que tu endures dans ce bas monde, elles ne sont rien face à cela. Ce n'est qu'une poussière. Ce sont quelques jours que tu passes, et demain, tu seras seul dans ta tombe avec tes œuvres. Donc patiente. Patiente sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patiente sur la vérité. Reste ferme sur cette religion jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et multiplie cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et ce car les cœurs, ils sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Aujourd'hui, la personne est croyante, il se peut que demain, elle soit mécréante, wal'iyadu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Aujourd'hui, la personne est sur la sunnah, demain, elle peut être sur l'innovation. Les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Donc la personne, elle doit sans cesse faire cette invocation. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur la vérité. Raffermis mon cœur sur la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Raffermis mon cœur sur la voie des salafs. Ceci est très important. Il ne faut pas négliger cela. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pourrons pas réussir à rester fermes sur ce chemin. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de nous accorder la persévérance sur sa religion. Donc on a dit on patiente dans la science, on patiente pour la mise en pratique de cette science, puis ensuite tu patientes dans l'appel à cette science et à sa mise en pratique. Car celui qui appelle au bien, il va forcément trouver de nombreux opposants face à lui. Les gens vont s'opposer à lui dans cela, ils ne vont pas accepter. Car il va venir changer leurs habitudes. Leurs âmes ont un penchant pour les péchés, ont un penchant pour le mal, et toi tu vas venir et tu vas leur ordonner le bien. Leur indiquer ce qui leur permet d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui peut parfois être dur pour les âmes. Donc ils vont s'opposer à toi, ils vont se moquer de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, ils vont chercher à te causer du tort, ils vont chercher à te porter préjudice. Regardez aujourd'hui les campagnes qu'il y a contre l'islam, les campagnes qu'il y a contre l'islam authentique, dans les médias et ainsi de suite. Le croyant, il doit patienter face à cela. Et restez ferme. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Toute personne qui appelle à la vérité, ordonne un bien ou interdit un mal, subira obligatoirement des préjudices et il n'y a pas d'autre remède que la patience, l'imploration de l'aide d'Allah et le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. » Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « La preuve est la parole d'Allah. » Masha'Allah. Regardez le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit il y a quatre choses qui sont obligatoires pour nous. La science, sa mise en pratique, y appeler, patienter, la preuve et la parole d'Allah. Comme il nous a dit, on apprend avec les preuves. Et ça, c'est une bonne éducation que le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne à travers ce livre. Sans cesse, vous allez voir cette parole. La preuve et la parole d'Allah. La preuve de la sunnah. La preuve dans le hadith. Et ainsi de suite. Et il en est ainsi dans la majorité des ouvrages du cheikh rahimahullah ta'ala. Sans cesse, il lie les gens aux sources de notre religion, le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. On retrouve les quatre points que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure ici par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Quant à nous, il ne nous est permis que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne jures ni sur la Mecque, ni sur la Kaaba, ni sur la tête de tes parents ou de tes frères et sœurs et ainsi de suite, ni sur leur vie, mais tu ne jures que par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes commis de l'association ou a mécru. » Et ceci est à la base de l'association mineure de laquelle le musulman doit s'écarter et prendre garde à cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il jure par ce qu'il veut. Et lorsqu'il jure par une de ses créatures, c'est pour nous montrer l'importance de cette créature. Ici, il jure par le temps. Le temps est d'une grande importance. La succession du jour et de la nuit. C'est dans ce temps que tu vas accomplir les œuvres pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'homme est certes en perdition. L'homme, c'est-à-dire l'espèce humaine, est en perdition. L'ensemble de l'espèce humaine est en perdition. Allahu Akbar. Ces milliards de personnes sont tous en perdition. Allah, subhanahu wa ta'ala, a juré de cela. Mais il a fait exception d'une catégorie de personnes qui remplissent quatre caractéristiques. Il a dit, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et ceci sont les quatre points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionnés. Sauf ceux qui croient à la foi, la science, connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion. C'est ainsi que tu vas avoir la foi, en apprenant la science. Car tu ne peux pas avoir foi en une chose que tu ne connais pas. Accomplir les bonnes œuvres, la mise en pratique, s'enjoignent mutuellement la vérité. Y appeler, appeler à la science, appeler à la mise en pratique, ceci est la vérité. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'endurance dans l'apprentissage de la science, sa mise en pratique, et le fait d'y appeler. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, Al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, si Allah n'avait descendu que cette sourate comme argument pour les créatures, elle leur aurait suffi. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, après nous avoir apporté la preuve du Coran, il s'appuie sur la parole d'un savant qui l'a précédé parmi les savants anciens. Et ceci est l'habitude des gens de science. Ils ne s'isolent pas avec leur compréhension, mais ils se basent sur les paroles de ceux qui les ont précédés. Et c'est à ce sujet qu'on trouve les paroles de certains salafs qui disent « Prends garde à ne pas prononcer une parole au sujet de laquelle tu n'as pas un imam, tu n'as pas un prédécesseur. » Car si tu n'as pas de prédécesseur, alors cela veut dire que cette parole est nouvelle, cette parole est innovée. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il se base sur la parole d'un savant ancien, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. Et ceci nous prouve que le shir Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Vous entendez souvent des gens qualifier le prêche de ce shir de prêche wahhabite, al-wahhabiyya, prétendant qu'il serait venu avec une religion nouvelle, alors que, comme on a dit, il est sur la voie des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Regardez ici, il se base sur quoi? Sur les paroles des savants qui l'ont précédé. Ici, il nous mentionne Shafi'i, après il va nous mentionner l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Ici, ce qu'il vient de nous indiquer, cela a été dit par d'autres savants avant lui. Donc Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit, si Allah n'avait descendu que cette sourate comme argument pour les créatures, elle leur aurait suffi. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, ici, il a rapporté cette parole de l'imam Shafi'i selon le sens. Et la parole que l'on trouve attribuée à l'imam Shafi'i dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, c'est si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur aurait suffi. C'est-à-dire qu'elle leur aurait suffi pour les enjoindre et les motiver à apprendre la science, à la mettre en pratique, à y appeler les gens et à patienter dans cela. Elle leur aurait suffi. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il jure que si tu ne te pars pas de ces quatre caractéristiques, alors tu es en perdition. Tu es en perdition, tu cours à ta perte. Sauf si tu crois que tu accomplis les bonnes œuvres, que tu enjoins la vérité et que tu enjoins l'endurance. Ainsi, tu seras sauvé de la perdition. Sans cela, alors, tu risques de courir à ta perte et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, il dit, rahimahullah, Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, chapitre, la science passe avant la parole et les actes. Donc, encore une fois, il s'appuie sur une parole d'un savant ancien qui l'a précédé, l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui est l'imam de la science du hadith, l'auteur du sahih, l'authentique d'Al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il est mort en l'an 256 de l'Hégire. L'imam al-Bukhari, il a donc intitulé dans son recueil authentique de hadith un chapitre « La science passe avant la parole et les actes ». Vous avez certainement entendu cette parole de nombreuses fois. La science passe avant la parole et les actes. Mais combien sont ceux qui la mettent en pratique? Et combien sont ceux qui parlent sans science et qui agissent sans science? Wallahul musta'an. Donc ça, vous voyez, on est juste dans l'introduction des trois fondements, on voit déjà beaucoup de choses qui ont été lues et qui ont été apprises par beaucoup de gens et malgré cela, qui s'y opposent sur beaucoup de points. Donc cela nous montre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'importance de revoir sans cesse ces livres afin de se rappeler ces choses, de ne pas les oublier et de pouvoir sans cesse se remémorer ces choses afin de pouvoir les mettre en pratique. La science passe avant la parole et les actes. La preuve est la parole d'Allah. La preuve est la parole d'Allah. Encore une fois, on insiste sur les preuves. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi qu'en faveur des croyants et des croyantes. Donc ici, il manque dans la traduction ainsi qu'en faveur des croyants et des croyantes. Le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, il a donc commencé par la science, sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Et il a donc commencé par la science avant la parole et l'acte. Donc ceci nous montre, comme on a dit, l'obligation de faire précéder toute parole et tout acte de la science. D'une connaissance puisée du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou de l'unanimité des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Car comme on a dit, il fait partie des conditions de l'acceptation des œuvres que ton œuvre, elle soit conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne connais pas la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment ton œuvre pourra-t-elle être conforme à celle-ci? Il est donc indispensable que tu commences par apprendre la science, apprendre cette sunna, apprendre la manière de prier, apprendre la manière de vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre la manière de prier, apprendre la manière de donner l'aumône, de donner la zakat, apprendre la manière de jeûner, apprendre la manière de faire le pèlerinage, et ainsi de suite. Tout ceci doit être précédé de la science. Tu commences par apprendre la science, puis ensuite, tu la mets en pratique. Et tu ne fais pas comme l'ont fait les chrétiens qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science et qui font ainsi partie des égarés. D'ailleurs, dans chacune de tes unités de prière, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te préserve de cela. Et tu dis « Hedina sirat al-mustaqim » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, les juifs, qui ont connu la vérité et qui ne l'ont pas mis en pratique, ni des égarés, qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science. On a donc terminé la première partie de l'introduction. On fera la deuxième partie dans le cours de demain, inshallah ta'ala, car est venue l'heure du maghreb. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit. Écoutez, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.